Lucille, au milieu de la crêperie, avec ton ruban et ton tablier blanc. Lucille, Lucille, Roméo, tu lui fais un prix, tu es reine au milieu des clients. Lucille, les billets, tu veux les voir chanter. Lucille, du ronchon ne pourra t'arrêter. Lucille, de bouiboui en porcherie, tu erres à la recherche du loup-lous. J'suis Benjamin, le petit nabo, l'ami du cid. Je suis Benjamin, le petit nabo, l'ami du cid. Lucille, Lucille, face à moi ou au loin, avec ton cœur, avec tes seins. Solo. Marika, tu erres à la recherche de la boue. J'suis Benjamin, le petit nabo, l'ami du cid. J'suis Benjamin, le petit nabo, l'ami du cid. Les vieilles, tu peux les voir chanter. Ronchon ne pourra t'arrêter. De bouiboui en porcherie, tu erres à la recherche du loup-lous. Tu Benjamin, le petit nabo, l'ami du cid. Tu Benjamin, le petit nabo, l'ami du cid. Tu Benjamin, le petit nabo, l'ami du cid. Lucille, je suis Benjamin, le petit nabo, l'ami du cid. Lucille, tu es Roméo, je veux une crêpe. Merci Lucille. Lucille, je suis Benjamin, le petit nabo, l'ami du cid.